Muni d'une mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Litebou un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Litebou l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 27 mars 2020. Voici les grands titres de cette édition. Le Conseil des ministres de mercredi a recommandé de ramener l'ordre et la discipline au centre hospitalo-universitaire de Kamenge. Vous entendrez le secrétaire général et du gouvernement. Il en est le porte-parole. Il nous donnera des détails sur cela. Et le Burundi est prêt à assurer, à affronter la pandémie du coronavirus. Une fois signalé au Burundi, dans une descente organisée ce vendredi dans différentes places de la mairie de Bujumbura, le ministre de la Santé publique a affirmé qu'environ 300 échantillons de personnes différentes peuvent être analysés en même temps à l'INSP. Et puis, le ministère des Transports, des Travaux publics et de l'Équipement de l'Aménagement du Territoire décide de proroger d'une période de 7 jours à partir du 28 mars à 23h59, heure de Bujumbura, de la mesure de suspension des vols internationaux au Burundi. Et puis, nous reparlons de la pénurie du sucre, la révision de la liste des grossistes s'approvisionnant en sucre à la société sucrière du Mont-Saint-Jean, ainsi que la fréquence de distribution à ces derniers. Voilà quelques-unes des mesures appliquées par la société pour éviter des spéculations autour de ce produit. Voilà pour les quelques titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. Le Conseil des ministres de mercredi a recommandé de ramener l'ordre et la discipline au centre hospitalo-universitaire de Kamenge. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement l'a dit dans un compte-rendu sanctionnant ce conseil. Deux projets de décret, l'un portant réorganisation et fonctionnement de ce centre et l'autre érigeant cet hôpital en centre de référence en kinésithérapie et réadaptation, ont été adoptés. Suivez Prosper Naugwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. La plus grande innovation du décret numéro 100/09 du 23 janvier 2019, portant révision du décret numéro 100/056 du 21 avril 1992, portant réorganisation et fonctionnement du centre hospitalo-universitaire de Kamenge, fut l'entrée du centre national de référence en kinésithérapie et réadaptation médicale dans le centre hospitalo-universitaire de Kamenge comme un des départements. Après analyse minutieuse par toutes les parties prenantes dans cette question, il a été remarqué qu'il serait plus avantageux de maintenir le Centre national de référence en kinésithérapie et réadaptation médicale comme une administration personnalisée, purement autonome, pour lui permettre de garder sa place de Centre national de référence en kinésithérapie. L'autre souhait est que le Centre national de référence en kinésithérapie et réadaptation médicale soit maintenu sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Comme révision proposée dans le décret numéro 100/09 du 23 janvier 2019 portant réorganisation du Centre hospitalo-universitaire de Kamenge, il s'agit de supprimer l'article 7 qui loge le Centre national de référence en kinésithérapie et réadaptation médicale au Centre hospitalo-universitaire de Kamenge afin qu'il recouvre son autonomie. S'agissant du décret numéro 100/80 du 30 mars 2015 érigeant le Centre national de référence en kinésithérapie et réadaptation médicale en une administration personnalisée de l'État, la révision proposée est de préciser que le centre est placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À l'issue de l'analyse de ces deux projets, le Conseil les a adoptés avec la recommandation de ramener l'ordre et la discipline au centre hospitalo-universitaire de Kamenge. Prosper Naugwamiye, c'est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Les activités de déclaration et paiement de l'impôt locatif vont bon train, d'après Joseph Ndayizeye, chef du département de l'impôt locatif à l'Office burundais des recettes. Il précise que la nouveauté cette année est qu'il y a eu deux nouveaux contribuables qui visiblement ont compris l'intérêt d'être à jour dans le paiement de cet impôt. Il signale que l'une des difficultés rencontrées dans leur travail est que certains contribuables confondent toujours l'impôt foncier à l'impôt locatif, ce qui les déroute et perturbe cette activité. On l'écoute. À partir du mois de mars, nous avons cette fois-ci commencé la campagne de sensibilisation, mais également nous avons essayé de quitter nos bureaux pour créer d'autres sites de réception et de perception de l'impôt relatif aux revenus locatifs. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du déroulement de cette activité parce que nous enregistrons beaucoup de contribuables qui viennent déclarer et payer l'impôt. Et si même on compare avec la situation de l'année passée, on voit que cette année-là, il y aura une amélioration. Mais également, nous constatons que même le contribuable qui ne déclarait pas le revenu locatif et payait l'impôt et afférent, et aujourd'hui, on voit que nous sommes en train d'enregistrer beaucoup de nouveaux contribuables pour dire que aujourd'hui, nous sommes satisfaits que l'appel de l'administration fiscale a été entendu. Les défis ne manquent pas, mais ils sont vraiment mineurs. Nous pouvons citer, par exemple, le cas des contribuables qui ont des difficultés de remplir le formulaire de déclaration. Autre défi, nous constatons qu'il y a encore une confusion entre l'impôt locatif et l'impôt foncier. Alors, parce qu'il y a surtout les vieilles mamans qui viennent nous donner des déclarations de l'impôt foncier. Et si de tels cas arrivent, nous procédons à l'orientation de ces personnes-là, d'aller déposer la déclaration là où elles doivent être déposé et aussi payer l'impôt à la mairie de Bujumbura et non pas à l'Office burundais des recettes. Également dans l'actualité, le ministère des Transports, des Travaux publics, de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire a décidé de proroger d'une période de 7 jours à partir du 28 mars 23h59 heure de Bujumbura de la mesure de suspension des vols internationaux au Burundi. Cette suspension des vols a commencé à être effective la semaine dernière. Le ministre en charge des transports rappelle que cette mesure ne concerne pas les vols cargo, les vols ambulances pour évacuation sanitaire, les vols pour action humanitaire et les vols diplomatiques, et qu'elle pourra être revue en fonction de l'évolution de la situation liée à la pandémie du coronavirus. Et le Burundi est prêt à affronter la pandémie de coronavirus une fois signalé au Burundi dans une descente organisée ce vendredi dans différentes places de la mairie de Bujumbura. Le ministre de la Santé publique a affirmé qu'environ 300 échantillons de personnes différentes peuvent être analysés en même temps avec des appareils spécifiques de diagnostic du Covid-19. Au laboratoire se trouvant à l'Institut National de Santé Publique, l'INSP. Docteur Tade Ndikumana rassure que près de 30 lits ont été prévus dans les hôpitaux cliniques Prince-Louis Rwagasore et hôpital militaire, en plus d'une centaine qui sont en cours de préparation à Mudugudu de la province de Bubanza. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La révision de la liste des grossistes s'approvisionnant en sucre à la société sucrière du Mosso ainsi que la périodicité de distribution à ces derniers telles sont les quelques-unes des mesures appliquées par la Socimo pour éviter des spéculations autour de ce produit. Le responsable vente et marketing à la Socimo précise que les boulangeries et unités de transformation des jus en croissance s'approvisionnent directement à la Socimo. Les boutiques alimentaires et alimentation reçoivent aujourd'hui d'autres quantités afin de faciliter l'obtention du sucre au prix normal de 2400 francs burundais pour couvrir le reste de ce mois de mars, souligne Jean-Pierre Nzoandola. Il est le responsable vente et marketing à la Socimo. On l'écoute. La première chose qu'on a fait, juste après la réunion qui a été tenue ici à Bujumbura à l'endroit des grossistes vendeurs de sucre, c'est d'abord de revoir, analyser en profondeur la raison qui est à l'origine de cette situation. Alors, on a trouvé qu'avec l'augmentation de demandeurs de sucre avec le mois d'octobre, il y a eu augmentation remarquable de personnes qui ont été insérées dans les vendeurs de sucre. On s'est demandé le motif. Et tout simplement, on a trouvé que tous ces gens-là qui sont venus chercher à vendre le sucre avec le mois d'octobre, tout simplement que c'était une spéculation. Là, on a vite revu la liste des bénéficiaires. Alors, pour essayer d'approcher la population, de résoudre l'insatiabilité au niveau de la population, on a cherché à alimenter les alimentations et les boutiques alimentaires proches de la population. C'était le responsable vente et marketing à la Sosumo, Jean-Pierre Nzobandora. L'assurance d'une couverture de protection sociale convenable pour tous est possible à travers le renforcement des organisations de l'économie solidaire et le renforcement des capacités institutionnelles de la mise en œuvre des programmes. C'est ce qu'a dit ce vendredi Arkade Nimubona, secrétaire exécutif permanent de la Commission nationale de protection sociale, lors d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la politique nationale de protection sociale à l'endroit des hauts cadres et des chargés de la communication de différents ministères. Arkade Nimona se réjouit du travail des associations et coopératives qui contribuent à la protection sociale, mais leur demande d'élaborer leur statut. Grogne chez certains habitants de la colline Rubirizi sur la sous-colline Karombo 1, commune Mutimbuzi, à cause des inondations liées aux eaux pluvieuses qui font déborder leur latrine. Ces débordements de latrines répandent les eaux sales dans les ménages avec comme conséquence les maladies des mains sales. Les informations sur place confirmées par le chef de zone font état de 2 personnes mortes suite au choléra dans les 2 premières semaines du mois en cours. Au total, 19 personnes ont attrapé cette maladie selon les sources médicales en province de Bujumbura. Charles Makoto, reportage. Cette femme de la sous-colline Karombo 1 indique que tous les efforts de lutte contre les maladies de mains sales, dont le choléra qui s'est récemment manifesté à cet endroit, sont voués à l'échec compte tenu de l'ampleur des inondations provoquées par le ruisseau Karombo qui court en provenance de la colline Tenga. La sous-colline Karombo est séparée de la colline Tenga par la route nationale numéro 9 Bujumbura-Bubanza. Le ruisseau Karombo, en cas de pluie, inonde les maisons en aval, comme l'expliquent ces femmes qui appellent l'État à voler à leur secours. Les récentes inondations ont fait déborder les latrines, affirme Bonaventure Nimbona, chef de la zone Rubirizi, qui fait savoir que le choléra qui en est la conséquence a fait des victimes sur la colline Rubirizi. Il y a eu des décès. L'un est décédé à domicile, l'autre est décédé à l'hôpital Prince de Jacha. C'est après les investigations qu'on a pu trouver que c'était bien sûr le choléra. Les informations que nous devons aux autorités sanitaires en province de Bujumbura font savoir qu'il y a eu 19 cas de choléra recensés jusqu'au 17 mars, dont un cas à la colline Nyabunyegeri. Les mêmes sources indiquent que l'urgence a été la désinfectation des lieux et l'acheminement des malades à l'hôpital, ce qui a fait que cette maladie soit contenue. Actualité internationale. L'actualité internationale reste toujours marquée par la pandémie du coronavirus. Touchant habituellement les personnes âgées ou vulnérables, le Covid-19 a fait sa première victime mineure en France. Julie, une adolescente de 16 ans, originaire de l'Essonne, avait été hospitalisée lundi 23 mars en raison d'une détresse respiratoire. La lycéenne de 16 ans est morte des suites du coronavirus le lendemain, dans la soirée, à l'hôpital Necker, à Paris. Au-delà du choc, sa mère et sa sœur doivent aussi subir le protocole lié à l'épidémie. Les affaires de l'adolescente doivent être brûlées. L'enterrement aura lieu lundi et seulement 10 personnes pourront y assister, précise le journal Ouest France qui donne l'information. Et pour le directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon, l'information concernant la jeune fille est importante puisque les formes sévères chez les sujets jeunes sont extrêmement rares. Jeudi, le professeur Salomon rappelait que plus de 86% des personnes décédées ont plus de 70 ans. Et le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a été enlevé alors qu'il faisait campagne pour les législatives. Il s'agit d'un rapt sans précédent d'une personnalité nationale de cette envergure dans ce pays en proie aux violences et aux attaques djihadistes. Deuxième à 3 reprises de l'élection présidentielle, cet homme politique se déplaçait mercredi 25 mars avec une douzaine de personnes de son équipe de campagne dans son fief électoral de Niamphongké, dans la région de Tombouctou, quand le convoi a été attaqué par des hommes armés et jusqu'à présent non identifiés, a annoncé jeudi le parti qu'il préside. Place maintenant à notre invité, et il s'agit du responsable de vente et marketing à la Sosumo. Et il répond aux questions de Mireille Kanyang. Et c'est au moment où l'on parle de la pénurie du sucre dans différents coins du pays. À la source, interview. Jean-Pierre Nzowandora, vous êtes responsable vente et marketing à la Sosumo. Bonjour. Bonjour madame. Vente de sucre aujourd'hui a pris cher ou hier arrêté. Le sucre produit par la Sosumo est-il suffisant, en quantité suffisante, et la consommation intérieure est-elle satisfaite? La Sosumo est au courant de la situation. Il y a 2 mois que nous avons pris le courage de nous lever et nous mettre sur le terrain pour suivre la situation. Des réunions ont été organisées à l'endroit des grossistes et vendeurs du sucre ici à Bujumbura. De ces réunions, il est sorti des recommandations, toujours dans le sens de voir comment rétablir les bonnes situations. Nous avons trouvé que le problème s'est posé à partir du mois de septembre, octobre, avec les mois qui ont suivi. Il nous a été difficile de comprendre ce qui se passe. Mais tout simplement, on a qualifié de ça une spéculation. Une spéculation pourquoi, madame? Parce que au moment du mois de juin, juillet, août, début septembre, c'est le moment où les ménages comptent beaucoup d'individus avec les élèves en vacances. Le problème ne s'est pas posé. On distribuait en moyenne par mois une quantité de 1200 tonnes. Il n'y avait pas de problème. Mais avec le mois de fin septembre, octobre et les mois qui ont suivi, le problème s'est posé. Alors, on s'est demandé, est-ce que c'est une flambée démographique qui est tombée comme ça avec le mois d'octobre? Quelles sont les stratégies que vous engagez pour que vous puissiez suivre la chaîne de distribution et de vente du sucre? La première chose qu'on a fait, juste après la réunion qui a été tenue ici à Bujumbura à l'endroit des grossistes et vendeurs du sucre, et c'est d'abord de revoir, analyser en profondeur la raison. La raison donc qui est à l'origine de cette situation. Alors, on a trouvé qu'avec l'augmentation de demander de sucre avec le mois d'octobre, il y a eu augmentation remarquable de personnes qui ont été insérées dans les vendeurs de sucre. On s'est demandé le motif. Et tout simplement, on a trouvé que tous ces gens-là qui sont venus chercher à vendre le sucre avec le mois d'octobre, tout simplement que c'était une spéculation. Là, on a vite revu la liste des bénéficiaires. Alors, pour essayer d'approcher la population, de résoudre donc l'insatiabilité au niveau de la population, on a cherché à alimenter les alimentations et les boutiques alimentaires proches de la population. Avant, on pouvait remarquer des points de vente de la Sosumo. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de ces points de vente? Quand on s'est réunis, la première chose à faire, c'était de trouver une solution d'urgence. C'est là où nous sommes maintenant. Mais sinon, les points de vente, nous aussi, nous avons compris la plus-value que ça a apporté. Nous progressons vers là. Jean-Pierre Nzowandora, responsable vente et marketing à la Sosumo, merci. Je vous remercie moi aussi. Et c'est sur cette interview que nous bouclons ce journal en vous rappelant que la révision de la liste des grossistes s'approvisionnant en sucre à la Sosumo, la société sucrière du Mosson, ainsi que la périodicité de distribution à ces derniers. Voilà quelques-unes des mesures appliquées par la Sosumo pour éviter des spéculations autour de ce produit. Et le Burundi est prêt à affronter la pandémie du coronavirus. Une fois signalé au Burundi, dans une descente de ce vendredi, le ministre de la Santé publique a affirmé qu'environ 300 échantillons de personnes différentes peuvent être analysés en même temps à l'INSP, l'Institut National de Santé Publique. Et le ministère des Transports, des Travaux Publics et de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire a décidé de proroger d'une période de 7 jours à partir du 28 mars à 23h59 heure de Bujumbura, de la mesure de suspension des vols internationaux au Burundi. Mais cette mesure ne concerne pas les vols diplomatiques, les vols cargo ou les vols humanitaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Aimé Richard Nyongourou pour la réalisation. Ce journal a été mis en onde par Albert Douayo. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez une très bonne journée.